La comtesse de Charny par Alexandre Dumas. Tome 4e, chapitre 113e, la pétition. Il y a certains moments où le peuple, à la suite d'excitations successives, monte comme une marée, et a besoin de quelques grands cataclysmes pour entrer comme l'océan dans le lit que la nature lui a creusé. Il en était ainsi du peuple parisien pendant cette première quinzaine de juillet, où tant d'événements étaient venus le mettre en ébullition. Le dimanche 10, on avait été au-devant du convoi de Voltaire, mais le mauvais temps avait empêché la fête d'avoir lieu et le convoi s'était arrêté à la barrière de Charenton où la foule avait stationné toute la journée. Le lundi 11, le temps s'était éclairci. Le cortège s'était mis en route et avait traversé Paris au milieu d'un immense concours de peuple, faisant halte devant la maison où était mort l'auteur du dictionnaire philosophique et de la pucelle, pour donner le temps à Madame Villette, sa fille adoptive et la famille de Callas de couronner le cercueil, salué par les chœurs des artistes de l'opéra. Le mercredi 13, spectacle à Notre-Dame. On y joue la prise de la Bastille à un grand orchestre. Le jeudi 14, anniversaire de la Fédération, pèlerinage à l'hôtel de la Patrie. Les trois quarts de Paris sont au Champ de Mars et les têtes se montent de plus en plus au cri de « Vive la nation !» et à la vue de l'illumination universelle, au milieu de laquelle le palais des Tuileries, sombre et muet, semble un tombeau. Le vendredi 15, botte à la chambre, protégée par les 4000 baïonnettes et les 1000 piques de Lafayette. Pétition de la foule, fermeture des théâtres, bruit et rumeur pendant toute la soirée et une partie de la nuit. Enfin, le samedi 16, désertion des Jacobins pour les Feuillants, scène violente sur le pont Neuf, où des hommes de la police battent Fréron et arrêtent un Anglais, maître d'Italien, nommé Rotondo. Excitation au Champ de Mars, oublié au découvre, dans la pétition, la phrase de Laclos. Vote populaire sous la déchéance de Louis XVI, rendez-vous pris pour le lendemain afin de signer la pétition. Nuit sombre, agitée, pleine de tumulte, où tandis que les grands meneurs des Jacobins et des Cordeliers se cachent parce qu'ils connaissent le jeu de leurs adversaires, les hommes consciencieux et naïfs du parti se promettent de se réunir et de donner quelque chose qui puisse arriver suite à l'entreprise commencée. Puis d'autres veillent encore dans des sentiments moins honnêtes et surtout moins philanthropiques. Ce sont ces hommes de haine qu'on retrouve à chaque grande commotion des sociétés qui aiment le trouble, le tumulte, la vue du sang, comme les vautours et les tigres aiment les armées qui se battent et qui leur fournissent des cadavres. Marat, dans son souterrain, où le confine sa monomanie, Marat croit toujours être persécuté, menacé ou feint de le croire. Il vit dans l'ombre comme les animaux de proie et les oiseaux de nuit. De cette ombre, comme de l'antre de Trophonius ou de Delphes, sortent, tous les matins, de sinistres oracles épars sur les feuilles de ce journal qu'on appelle l'ami du peuple. Depuis quelques jours, le journal de Marat sue le sang. Depuis le retour du roi, il propose, comme seul moyen de sauvegarder les droits et les intérêts du peuple, un dictateur unique et un massacre général. Au dire de Marat, il faut avant tout égorger l'assemblée et pendre les autorités. Puis, en manière de variante, comme l'égorgement et la pendaison ne lui suffisent pas, il propose de scier les mains, de couper les pouces, d'enterrer vivant, d'asseoir sur des pales. Il est temps que les médecins de Marat viennent à lui selon son habitude et lui disent « Vous écrivez rouge, Marat, il faut que je vous saigne ». Derrière, cet abominable bossu, ce formidable nain aux longs bras et aux longues jambes, que nous avons vu apparaître au commencement de ce livre pour faire les 5 et 6 octobre, et qui, les 5 et 6 octobre faits, est rentré dans l'obscurité, eh bien, le soir du 16, il a reparu, on l'a revu, vision de l'Apocalypse, dit Michelet, monté sur le cheval blanc de la mort, au flanc duquel ballottent ses longues jambes aux gros genoux et aux grands pieds. Il s'est arrêté à chaque coin de rue, à chaque carrefour et, héros de malheur, il a convoqué pour le lendemain le peuple au Champ de Mars. Fournier, qui va lui se produire pour la première fois, et qu'on appellera Fournier l'Américain, non point parce qu'il est né en Amérique, Fournier est auvergnat, mais parce qu'il a été piqueur de nègres à Saint-Domingue. Fournier, ruiné, aigri par un procès perdu, exaspéré par le silence avec lequel l'Assemblée nationale a reçu les 20 pétitions successives qu'il lui a envoyées. Et c'est tout simple. Les meneurs de l'Assemblée sont des planteurs, les lamettes, ou des amis des planteurs, Duport, Barnabe. Aussi, à la première occasion, se vengera-t-il, il se le promet, et il tiendra sa parole, cet homme qui a dans sa pensée les soubresauts de la brute, et sur son visage le ricanement de l'hyène. Ainsi, voyez, voici la situation de tous pendant la nuit du 16 au 17. Le roi et la reine attendent anxieusement aux Tuileries. Barnabe leur a promis un triomphe sur le peuple. Il ne leur a pas dit quel serait ce triomphe, ni de quelle manière il s'opérerait. Peu leur importe. Les moyens ne les regardent pas. On agit pour eux. Seulement, le roi désire ce triomphe parce qu'il améliore la position de la royauté. La reine, parce que ce sera un commencement de vengeance, et ce peuple l'a tant fait souffrir qu'à son avis, il lui a bien permis de se venger. L'assemblée, appuyée sur une de ses majorités factices qui rassurent les assemblées, attend avec une certaine tranquillité. Ses mesures sont prises. Elle aura, quelque chose qu'il arrive, la loi pour elle, et le cas échéant, le besoin venu, elle invoquera ce mot suprême, salut public. Lafayette aussi attend sans crainte. Il a sa garde nationale, qui lui est encore toute dévouée, et parmi cette garde nationale, un corps de 9000 hommes, composé d'anciens militaires, de gardes françaises, d'enrôlés volontaires. Ce corps appartient plus à l'armée qu'à la ville. Il est payé d'ailleurs. Aussi l'appelle-t-on la garde soldée. S'il y a, le lendemain, quelque exécution terrible à faire, c'est ce corps qui le fera. Bailly et la municipalité attendent de leur côté. Bailly, après une vie tout entière passée dans l'étude et dans le cabinet, est poussé subitement dans la politique et sur les places et les carrefours. Admonesté la veille par l'Assemblée sur la faiblesse qu'il a montrée dans la soirée du 15, il s'est endormi, la tête posée sur la loi martiale, qu'il appliquera le lendemain dans toute sa rigueur, si besoin est. Les Jacobins attendent, mais dans la dislocation la plus complète. Robespierre est caché. Laclos, qui avait rayé sa phrase, boude. Pétion, Buzot et Brissot se tiennent prêts, supposant bien que la journée du lendemain sera rude. Santerre, qui à 11 heures du matin doit aller au Champ de Mars pour retirer la pétition, leur donnera des nouvelles. Les Cordeliers ont abdiqué. Danton, nous l'avons dit, est à Fontenay chez son beau-père. Le gendre, Fréron et Camille Desmoulins le rejoindront. Le reste ne fera rien, la tête manque. Le peuple, qui ignore tout cela, ira au Champ de Mars. Il y signera la pétition, il y criera « Vive la nation !» Il dansera en rond autour de l'hôtel de la patrie en chantant le fameux « Ça ira » de 1790. Entre 1790 et 1791, la réaction a creusé un abîme. Cet abîme, il faudra les morts du 17 juillet pour le combler. Quoi qu'il en soit, le jour se leva magnifique. Dès 4 heures du matin, tous ces petits industriels forains qui vivent des multitudes, ces bohèmes des grandes villes, qui vendent du coco, du pain d'épices, des gâteaux, commençaient à s'acheminer vers l'hôtel de la patrie, lequel s'élevait solitaire au milieu du Champ de Mars, pareil à un grand catafalque. Un peintre, placé à une vingtaine de pas de la face tournée vers la rivière, en faisait scrupuleusement un dessin. À 4 heures et demie, on compte déjà 150 personnes à peu près au Champ de Mars. Ceux qui se lèvent si matin sont en général ceux qui ont mal dormi. Et la plupart de ceux qui dorment mal, je parle des hommes et des femmes du peuple, sont ceux qui ont mal soupé ou qui n'ont pas soupé du tout. Quand on n'a pas soupé et qu'on a mal dormi, on est ordinairement de mauvaise humeur à 4 heures du matin. Il y avait donc, parmi ces 150 personnes qui enveloppaient l'hôtel de la patrie, pas mal de gens de mauvaise humeur et surtout de mauvaise mine. Tout à coup, une femme, une marchande de limonade, qui est montée sur les degrés de l'hôtel, pousse un cri. La pointe d'une vrille vient de percer son soulier. Elle appelle, on accourt. Le plancher est percé de trous dont on ne comprend ni la cause ni la raison. Seulement, cette vrille, qui vient de percer le soulier de la marchande de limonade, indique la présence d'un ou de plusieurs hommes sur la plateforme de l'hôtel de la patrie. Que peuvent-ils faire là? On les interpelle, on les somme de répondre, de dire leurs intentions, de sortir, de paraître, pas de réponse. Le rapin quitte son escabeau, laisse sa toile et court au gros caillou pour y chercher la garde. La garde, qui ne voit pas dans une femme piquée au pied avec une vrille un motif suffisant de se déranger, refuse le service et renvoie le rapin. Au retour de celui-ci, l'exaspération est à son comble. Tout le monde est amassé autour de l'hôtel de la patrie, 300 personnes à peu près. On lève une planche, on pénètre dans la cavité, on trouve notre perruquier et notre invalide tout penaud. Le perruquier, qui a vu dans la vrille une preuve de conviction, la jette loin de lui. Mais il n'a pas pensé à éloigner le baril. On les prend au collet, on les force de monter sur la plateforme, on les interroge sur leurs intentions, et comme ils balbutient, on les mène chez le commissaire. Là, interrogés, ils avouent dans quel but ils se sont cachés. Le commissaire n'y voit qu'une espièglerie sans conséquence et les remet en liberté. Mais à la porte, ils trouvent les blanchisseuses du Gros Caillou leur battoir à la main. Les blanchisseuses du Gros Caillou sont, à ce qu'il paraît, très chatouilleuses à l'endroit de l'honneur des femmes. Elles tombent, Diane irritée, à grands coups de battoir sur les actéons modernes. En ce moment-là, un homme accourt. Il a trouvé sous l'hôtel de la patrie un baril de poudre. Les deux coupables étaient là non point, comme ils l'ont dit, pour percer les trous et regarder en l'air, mais pour faire sauter les patriotes. Il n'y avait qu'à tirer la bombe du baril et à s'assurer que c'était du vin, et non pas de la poudre qu'il contenait. Il n'y avait qu'à réfléchir qu'en mettant le feu au baril, les deux conspirateurs, en supposant que ce baril contenait de la poudre, se faisaient sauter les premiers, plus sûrement encore qu'ils ne faisaient sauter les patriotes, et les deux prétendus coupables étaient innocentés. Mais il y a des moments où l'on ne réfléchit à rien, où l'on ne vérifie rien, ou plutôt où l'on ne veut pas réfléchir, où l'on se garde bien de vérifier. À l'instant même, la bourrasque se change en orage. Un groupe d'hommes arrive. D'où sort-ils? On ne sait pas. D'où sortaient ces hommes qui ont tué Foulon, Berthier, Flessel, qui ont fait les 5 et 6 octobre? Des ténèbres où ils rentrent quand leur œuvre de mort est finie. Ces hommes s'emparent du malheureux invalide et du pauvre perruquier. Tous deux sont renversés. L'un d'eux, l'invalide, percé de coups de couteau, ne se relève pas. L'autre, le perruquier, est traîné sous un réverbère. On lui passe une corde autour du cou, on le hisse. À la hauteur de 10 pieds à peu près, le poids de son corps fait casser la corde. Il retombe vivant, se débat un instant, et voit la tête de son compagnon au bout d'une pique. Comment y avait-il là justement une pique? À cette vue, il jette un cri et s'évanouit. Alors on lui coupe, ou plutôt on lui scie la tête, et il se retrouve à point nommé, une seconde pique pour recevoir le sanglant trophée. Aussitôt, le besoin de promener dans Paris ces deux têtes coupées s'empare de la populace, et les porteurs de têtes, suivis d'une centaine de bandits pareils à eux, prennent en chantant la rue de Grenelle. À 9 heures, les officiers municipaux, les notables, avec huissiers et trompettes, proclamaient sur la place du Palais-Royal le décret de l'Assemblée, et les mesures répressives qu'entraînerait toute infraction à ce décret, lorsque, par la rue Saint-Thomas du Louvre, débouchent les égorgeurs. C'était une admirable position faite à la municipalité. Si acerbes que fussent ces mesures, elles n'atteindraient jamais à la hauteur du crime qui venait d'être commis. L'Assemblée commençait à se réunir. De la place du Palais-Royal au manège, il n'y avait pas loin. La nouvelle ne fait qu'un bond et va éclater dans la salle. Seulement, ce n'est plus un perruquier et un invalide puni bien outre mesure pour une polissonnerie de collégiens. Ce sont deux bons citoyens, deux amis de l'ordre, qui ont été égorgés pour avoir recommandé aux révolutionnaires le respect des lois. Alors Regnault de Saint-Jean d'Angélis s'élance à la tribune. « Citoyens, dit-il, je demande la loi martiale. Je demande que l'Assemblée déclare ceux qui, par écrit individuel ou collectif, porteront le peuple à résister, criminels de lèse-nation. » L'Assemblée se lève presque entière, et sur la motion de Regnault de Saint-Jean d'Angélis, proclame criminel de lèse-nation ceux qui, par des écrits individuels ou collectifs, porteront le peuple à la résistance. Ainsi, voilà les pétitionnaires criminels de lèse-nation. C'est ce qu'on en voulait. Robespierre était caché dans un coin de l'Assemblée. Il entendit proclamer le vote et courut aux Jacobins pour leur donner avis de la mesure qui venait d'être prise. La salle des Jacobins était déserte. 25 ou 30 membres à peine erraient dans le vieux couvent. Santerre était là, attendant l'ordre des chefs. On expédie Santerre au Champ de Mars afin qu'il prévienne les pétitionnaires du danger qu'ils courent. Il les trouve au nombre de 200 ou 300 signants, sur l'autel de la patrie, la pétition des Jacobins. L'homme de la veille, Billot, est le centre de ce vaste mouvement. Il ne sait pas signer, lui. Mais il a dit son nom, il s'est fait guider la main, il a signé un des premiers. Santerre monte à l'hôtel de la Patrie, annonce que l'Assemblée vient de proclamer rebelle quiconque oserait demander la déchéance du roi, et déclare qu'il est envoyé par les Jacobins pour retirer la pétition rédigée par Brissot. Billot descend 3 degrés et se trouve en face du célèbre brasseur. Les deux hommes du peuple se regardent, s'examinent, symbolent l'un et l'autre des deux forces matérielles qui agissent en ce moment, la province, Paris. Tous deux se reconnaissent pour frères. Ils ont combattu ensemble à la Bastille. « C'est bien, » dit Billot, « on la rendra aux Jacobins, leur pétition, mais on en fera une autre. » « Et cette pétition, dit Santerre, on n'aura qu'à la porter chez moi, au faubourg Saint-Antoine. Je la signerai et la ferai signer par mes ouvriers. » Et il lui tend sa large main où Billot place la sienne. À la vue de cette puissante fraternité qui relie la province à la ville, on applaudit. Billot rend à Santerre sa pétition et celui-ci s'éloigne en faisant au peuple un de ces gestes de promesse et d'assentiment auxquels le peuple ne se trompe pas. D'ailleurs, il commence à connaître Santerre. « Maintenant, dit Billot, les Jacobins ont peur. Soit, ayant peur, ils ont droit de retirer leur pétition, soit encore. Mais nous qui n'avons pas peur, nous avons le droit d'en faire une autre. « Oui, oui !» crient plusieurs voix. « Une autre pétition, ici, demain !»« Et pourquoi pas aujourd'hui ?» demande Billot. « Demain, qui sait ce qui arrivera d'ici à demain ?»« Oui, oui !» crient plusieurs voix. « Aujourd'hui, tout de suite !» Un groupe de gens distingués s'est formé autour de Billot. La force a la vertu de l'aimant, elle attire. Ce groupe se compose de députés des Cordeliers, ou de Jacobins amateurs, qui, mal renseignés ou plus hasardeux que les chefs, sont venus au Champ de Mars malgré le contre-ordre. Ces hommes, pour la plupart, portaient des noms fort inconnus alors, mais ils ne devaient pas tarder à faire de ces noms des célébrités bien différentes. C'étaient Robert, Mademoiselle de Keralio, Roland, Brune, ouvrier typographe qui sera maréchal de France, Hébert, écrivain public, rédacteur futur du terrible Père Duchesne, Chaumette, journaliste et élève en médecine, Sergent, graveur en taille douce, qui sera le beau-frère de Marceau et qui mettra en scène les fêtes patriotiques, Fabre d'Églantine, l'auteur de l'intrigue épistolaire, Henriot, le gendarme de la guillotine, Maillard, le terrible huissier du Châtelet, que nous avons perdu de vue depuis le 6 octobre, et que nous retrouverons le 2 septembre. Ils avaient père et ils avaient fils, le seul peut-être des acteurs de cette scène qui puisse la raconter, jeune et vivant, qu'il est encore à 88 ans. « Tout de suite !» criait le peuple. « Oui, tout de suite !» Un immense applaudissement s'éleva du côté du Champ de Mars. « Mais qui tiendra la plume ?» demanda une voix. « Moi, vous, nous, tout le monde !» cria Billot. « Celle-là sera réellement la pétition du peuple. » Un patriote se détacha tout courant. Il allait chercher du papier, de l'encre et des plumes. En l'attendant, on se prit par les mains et l'on commença de danser des farandoles en chantant le fameux « Ça ira ». Le patriote revint au bout de 10 minutes avec papier, plume et encre. Il avait, de peur de manquer, acheté une bouteille d'encre, un paquet de plumes et 5 ou 6 cahiers de papier. Alors, Robert prit la plume et Mademoiselle de Keralio, Madame Roland et Roland, dictant tour à tour, il écrivit la pétition suivante. Pétition à l'Assemblée nationale rédigée sur l'autel de la Patrie le 17 juillet 1791. Représentants de la nation, vous touchez au terme de vos travaux. Bientôt des successeurs, tous nommés par le peuple, allez marcher sur vos traces sans rencontrer les obstacles que vous ont présentés les députés des deux ordres privilégiés, ennemis nécessaires de tous les principes de la sainte égalité. Un grand crime se commet. Louis XVI fuit. Il abandonne indignement son poste. L'Empire est à 2 doigts de l'anarchie. Des citoyens l'arrêtent à Varennes et il est ramené à Paris. Le peuple de cette capitale vous demande instamment de ne rien prononcer le sort du coupable sans avoir entendu l'expression du vœu des 82 autres départements. Vous différez. Une foule d'adresses arrive à l'Assemblée. Toutes les sections de l'Empire demandent simultanément que Louis soit jugé. Vous, messieurs, vous avez préjugé qu'il était innocent et inviolable en déclarant, par votre décret du 16, que la charte constitutionnelle lui sera présentée alors que la Constitution sera achevée. Législateur, ce n'était pas là le vœu du peuple, et nous avons pensé que votre plus grande gloire, votre devoir même, consistait à être les organes de la volonté publique. Sans doute, messieurs, vous avez été entraînés à cette décision par la foule de ces députés réfractaires. qui ont fait d'avance leurs protestations contre la Constitution. Mais messieurs, mes représentants d'un peuple généreux et confiant, rappelez-vous que ces 290 protestants n'avaient point de voix à l'Assemblée nationale, que le décret est donc nul dans la forme et dans le fond. Nul dans le fond parce qu'il est contraire aux vœux du souverain. Nul dans la forme parce qu'il est porté par 290 individus sans qualité. Ces considérations, toutes ces vues de bien général, ce désir impérieux d'éviter l'anarchie, à laquelle nous exposerait le défaut d'harmonie entre les représentants et les représentés, tout nous fait la loi de vous demander, au nom de la France entière, de revenir sur ce décret, de prendre en considération que le délit de Louis XVI est prouvé, que ce roi a abdiqué, de recevoir son abdication et de convoquer un nouveau corps constituant pour procéder d'une manière vraiment nationale au jugement du coupable, et surtout au remplacement et à l'organisation d'un nouveau pouvoir exécutif. La pétition rédigée, on réclame le silence. À l'instant même, tout bruit cesse, les fronts se découvrent, et Robert lit à haute voix les lignes que nous venons de mettre sous les yeux de nos lecteurs. Elles répondaient aux vœux de tous. Aussi aucune observation ne fut faite, mais au contraire, des applaudissements unanimes éclatèrent à la dernière phrase. Il s'agissait de signer. On n'était plus seulement 200 ou 300, on était 10 000 peut-être, et comme, par toutes les issues du Champ de Mars, la foule ne cessait d'arriver, il était évident qu'avant 1 heure, plus de 50 000 personnes entouraient l'hôtel de la Patrie. Les commissaires rédacteurs signent les premiers, puis passent la plume à leurs voisins. Puis, comme en 1 seconde le bas de la page est couvert de signatures, on distribue des feuilles de papier blanche du même format que la pétition. Ces feuilles numérotées seront ajoutées à la suite. Les feuilles distribuées, on signe d'abord sur les cratères qui forment les 4 angles de l'hôtel de la Patrie, ensuite sur les degrés, sur les genoux, sur la forme des chapeaux, sur tout ce qui offre un point d'appui. Cependant, d'après les ordres de l'Assemblée, transmis à Lafayette et qui ont rapport, non pas à la pétition qui se signe à 7 heures, mais à l'assassinat du matin, les premières troupes arrivent au Champ de Mars, et la préoccupation que cause la pétition est telle qu'à peine fait-on attention à ces troupes. Ce qui va se passer aura pourtant quelque importance.